Tu t'appelles Valérie et tout le monde t'appelle Val, Valou ou même Valoche. À Pâques, comment s'appellera ton œuf en chocolat Jeff de Bruges? Eh oui, avec Jeff de Bruges, on peut faire inscrire gratuitement son prénom ou son surnom sur un délicieux œuf en chocolat. À partir de 13 euros l'œuf de Pâques personnalisé. Jeff de Bruges, le plaisir a un nom et un prénom. En boutique, en click and collect et par coursier. Rendez-vous sur jeffdebruges.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la vraie arrestation du faux Xavier Dupont de Ligonnès. Le 11 octobre 2019, une info tombe sur le site du journal Le Parisien. On a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Enfin, le suspect principal de l'assassinat de sa famille, disparu dans la nature en 2011, a été mis aux arrêts à Glasgow, confondu par ses empreintes digitales. Et c'est la fin d'une longue cavale et surtout d'un obsédant mystère. Évidemment, la nouvelle est reprise immédiatement par les agences, les radios, les télés et met les réseaux sociaux en délire. Mais 16 heures plus tard, pétard mouillé. Non, cet homme incarcéré n'a jamais été Xavier Dupont de Ligonnès, mais un homme sans histoire. Enfin, jusque-là. Les informations qui ont circulé entre différents services de police et les journalistes à la vitesse de la lumière étaient infondées. Alors, que révèle cet emballement ? Course au scoop, suisme des médias, porosité entre la presse et la police, probablement, mais aussi et surtout une fascination pour un fait divers hors du commun, résumé en un surnom de quatre lettres, XDDL. Notre invité aujourd'hui, François Vignol, journaliste, coordinateur, enquête police-justice du groupe M6. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Margot Boudj, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Charles Cilia. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Votre attention s'il vous plaît. Les passagers du vol GL84 à destination de Glasgow sont priés de s'avancer à la porte... 11 octobre 2019, aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Un homme embarque dans un avion. Il a les yeux noirs, recouverts de lunettes, le cheveu clairsemé. Ce monsieur tout le monde s'installe confortablement sur son siège, direction l'Écosse. Mesdames et messieurs, la compagnie Air France est heureuse de vous accueillir à bord de ce vol. Pendant les 1h50 du vol, il tapote son accoudoir, feuillette un magazine, sirote un café, bref, il passe le temps. Et il a l'habitude de ce trajet Paris-Glasgow. Il l'effectue régulièrement pour rejoindre celle qui partage sa vie, une Écossaise. Il a d'ailleurs échangé quelques mots au téléphone avec elle avant de décoller, et ils sont convenus qu'elle le retrouverait dans le hall de l'aéroport. Bien. Mais à la descente de l'avion, ce sont des gardes frontières qui viennent à la rencontre de l'homme. Et il est interpellé, menotté, embarqué dans un fourgon de police et placé en garde à vue. Comme il est français, une interprète est dépêchée à ses côtés. On prélève ses empreintes digitales et on lui demande son nom, bien sûr. Mais le patronyme d'origine portugaise que l'homme ne cesse de répéter ne semble pas convaincre les autorités écossaises qui réitèrent inlassablement la question « What's your name ?». Évidemment, ces interrogatoires répétifs, ces prélèvements n'ont qu'un seul but, savoir si sous une identité de façade ne se cache pas l'homme le plus recherché de France, Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà 8 ans que cet aristocrate déclassé est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il faut dire qu'il est le suspect très lourdement présumé de l'une des tueries les plus marquantes perpétrées en France. Tout commence le 21 avril 2011. Sous la terrasse d'une maison en meulière d'un paisible quartier de Nantes, la police déterre 5 corps, ceux d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, qui n'avaient pas donné de signe de vie depuis le début du mois. Ils ont été drogués et abattus d'une balle dans la tête. Seul manque à l'appel au sein de ce cimetière familial, le père, Xavier Dupont de Ligonnès. Très vite, il est évident pour les enquêteurs que ce commercial a prémédité son crime. L'examen de ses relevés bancaires révèle qu'il a acheté un silencieux dans une armurerie, une bêche, une pelle et de la chaux-vive, tout l'attirail de l'assassin fossoyeur. Après la date présumée du décès de sa femme et de ses enfants, entre le 3 et le 5 avril, il a envoyé un courrier à ses proches expliquant que le clan Ligonnès au grand complet a été contraint de s'exiler aux États-Unis sous régime de protection de témoins, scénario évidemment hautement fantaisiste. Pendant tous ces jours, et alors que le reste de sa famille est resté invisible, les voisins l'ont vu s'activer, comme le raconte cette riveraine. Ce qui m'intriguait, c'était le balai, là, il n'arrêtait pas de traverser et de remplir le coffre de sacs de gros cabas. Donc, il était en Bermuda, polo, chaussures bateau. Effectivement, c'est ça ce que j'ai dit à mon compagnon. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait, le voisin ? Ce qu'il fait, il prépare son départ, direction le sud. Les relevés sur sa carte de crédit et des témoignages indiquent qu'il a séjourné dans divers hôtels sur la route allant de la Bretagne à la Provence. La police a beau se lancer à ses trousses, elle a 6 jours de retard. Et c'est dans le département du Var qu'elle perd définitivement sa trace. Le fuyard est filmé une dernière fois le 15 avril 2011, retirant quelques billets dans un distributeur de roques brunes sur Argence. Puis il sort du cadre de la caméra de surveillance et s'évanouit dans la nature, laissant derrière lui un gigantesque point d'interrogation. Donc, où est Xavier Dupont de Ligonnès ? On n'a pas fini de se poser la question. D'abord, est-il mort ou vivant ? La question obsède et divise les esprits. La thèse du suicide est rapidement privilégiée. Car Ligonnès est un homme aux abois, endetté au bord de la ruine pour avoir lancé plusieurs sociétés défaillantes. À ses amis, à qui il est venu fréquemment mendier de l'argent, il a confié la volonté de se supprimer, oui, pour sortir de l'impasse et d'emporter sa famille avec lui. Alors, la police fouille les reliefs escarpés du Var à la recherche d'un corps. Les grands moyens, des spécialistes de la haute montagne, élitreillés en haut du rocher de Roquebrune-sur-Argence. Leur rôle, vérifier toutes les cavités et grottes à la recherche de Xavier Dupont de Ligonnès. Le lieu d'un possible suicide, voilà ce que recherchent ces CRS, et ils sont nombreux. En tout, une centaine d'hommes parcourent un secteur de 20 km². Le juge Robert Chalian est venu de Nantes superviser les opérations, mais il ne fera pas de commentaires, car les hommes n'ont rien trouvé. Alors, si Ligonnès n'est pas mort, c'est qu'il est en cavale. On se dit qu'il a dissimulé les cadavres de ses proches, qu'il a inventé une histoire pour expliquer leur disparition, et plutôt que de mettre fin à ses jours auprès des siens, il s'est promené sur les routes de France. Pas très suicidaire, tout ça. Donc, la police cherche partout où il pourrait se cacher, avec l'aide de l'opinion publique qui, elle, se passionne pour l'affaire. Les groupes d'enquête en ligne se multiplient, ainsi que les signalements, et beaucoup affirment avoir aperçu ce quinquagénaire au physique somme toute assez banal, cheveux et yeux sombres, très réguliers, nez fin surmonté de lunettes. Et plusieurs fois, les enquêteurs voient leur cœur s'accélérer, croyant être sur le point de mettre la main sur leur homme, enfin. Et c'est ainsi en 2018. C'était la piste parfaite, un monastère à l'abri des regards, situé à 4 km de cet hôtel où Xavier Dupont-Ligonnès a été vu pour la dernière fois il y a presque 7 ans. Or, le présumé tueur de Nantes a toujours été très croyant. Autre élément troublant, ici les moines font vœu de silence. L'endroit idéal pour ne pas être dénoncé. Deux femmes affirment l'avoir vu il y a un mois lors d'une messe ouverte au public. Autant d'éléments qu'il fallait vérifier. Vérification faite, il ne s'agit donc pas de Ligonnès, mais d'un religieux en robe de bure qui lui ressemble étrangement. Encore une fausse piste. Dommage, parce que Ligonnès est un fervent chrétien. La piste du monastère collait bien. 1000 fois, Desbadeaux rapporte à la police l'avoir vu, mais 1000 fois, ce n'est qu'un mirage. On espère toujours retrouver celui qu'on surnomme désormais XDDL, malgré tout. On attend l'apparition du fuyard, le miracle, quoi. Eh bien, à l'automne 2019, il se produit. Nous sommes le vendredi 11 octobre de cette année-là. Il est 20h44, quand, sur leur portable ou sur leur ordi, les Français découvrent ce titre sur le site du journal Le Parisien. Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté ce vendredi en Écosse. L'article, dont voici les premières phrases, est court, direct et absolument affirmatif. Un suspect de la tuerie de Nantes, soupçonné d'avoir assassiné toute sa famille et recherché activement par la police depuis avril 2011, voyageait sous une fausse identité grâce à un passeport volé en 2014 et avait changé d'apparence. Il a été confondu par ses empreintes digitales recueillies par la police écossaise et qui vont être envoyées en France à la direction centrale de la police judiciaire. Xavier Dupont de Ligonnès, qui faisait l'objet d'une fiche rouge d'Europol, n'a opposé aucune résistance. 20 minutes plus tard, la nouvelle est confirmée par l'AFP. Elle émane, dit-on, de sources proches de l'enquête. Formule passe-partout qui fait aussitôt boule de neige. Il faut dire que l'agence France-Presse, chargée de collecter, vérifier, recouper, diffuser l'information pour le compte de ses clients, des journaux, des télés, enfin des journalistes, est réputée pour sa fiabilité. Et les journalistes ont tendance à lui accorder parole d'évangile. Alors, les articles annonçant l'arrestation de Ligonnès fleurissent sur le web et sont relayés sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, où le réflexe l'emporte sur la réflexion, c'est l'euphorie. Enfin, un dénouement à la disparition inexpliquée du célèbre fugitif nantais. Enfin, une identification basée sur des éléments scientifiques accablants. Entendez, ses empreintes digitales. Évidemment, tout cela est totalement viral. Surtout quand on sait que la probabilité que deux personnes aient les mêmes sillons dessinés sur la pulpe de leurs doigts est d'une chance sur 64 milliards. Voilà un week-end qui commence bien. Et pour ne pas perdre une miette de l'événement, nombreux sont les Français à se brancher sur les chaînes d'infos en continu. Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès. Et bien sûr, priorité au direct. Vers 21h, BFM TV, CNews et LCI interrompent leurs programmes habituels et passent en édition spéciale. De vieilles photos de Xavier Dupont de Ligonnès et des victimes du quintuple meurtre de Nantes défilent en un diaporama ininterrompu. Et c'est parti pour des heures et des heures à répéter les faits en boucle. La police française n'a pas eu le temps d'interpeller un homme à l'aéroport de Roissy, dénoncé anonymement comme Xavier Dupont de Ligonnès et voyageant avec un faux passeport. Elle a donc chargé la police écossaise d'arrêter le suspect à sa descente d'avion, à Glasgow. La comparaison de ses empreintes digitales avec celles de Ligonnès, disponibles sur la base de données d'Interpol, atteste qu'il s'agit bien de la même personne. Parfait. Les enquêteurs de la Brigade nationale de recherche des fugitifs doivent maintenant se rendre en Écosse pour s'en assurer. Mais en attendant, il faut occuper l'antenne, la remplir. Et comme on dit toujours la même chose, on invite sur les plateaux des personnes qui vont dire la même chose. Des anciens commandants de police, des consultants police-justice et des fédiversiers de tous bords. Chacun y va de ses anecdotes, plus ou moins éculées sur Ligonnès, et livre son point de vue. Moi je le croyais vivant, moi je le croyais mort. Bon, on meuble, on brode. Et puis arrive un moment où ces télés, qui sont essentiellement des radios filmées, daignent laisser une petite place à l'action. Après le radotage, le reportage. Ainsi, peu après 22h30, 23h30, les caméras de BFM TV débarquent au cœur de l'enquête. Alors on va aller sur le terrain, vous le voyez sur ces images en direct de Limay, ça se trouve dans les Yvelines. Marie Semelin, vous êtes sur place, une perquisition est donc en cours ce soir. Oui, tout à fait. Nous sommes ici à Limay, vous l'avez dit, et c'est peut-être ici, dans cette maison au portail blanc, que Xavier Dupont de Ligonnès vivait. En tout cas, c'est l'adresse qui figurait sur son passeport, le passeport avec lequel il a été arrêté à Glasgow. Alors, c'est un passeport français qui aurait été volé en 2014, d'après l'agence France Presse. Il voyageait sous le nom de famille de Joao, initiale du prénom G, domicilié donc à Limay. La perquisition est toujours en cours à cette adresse. C'est une grande maison au volet fermé, avec un garage où les enquêteurs se trouvent en ce moment. Ici, nous sommes en fait en bordure de la ville de Limay, pas vraiment en centre-ville, et c'est donc d'ici qu'il aurait pu ensuite se diriger vers l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour prendre son avion en direction de Glasgow. La localisation de la planque potentielle de Ligonnès vient d'être dévoilée, Limay, ainsi que ce qui peut être le nom de couverture du meurtrier, Joao. Pour que la récolte soit complète, ne manque que la photo de l'homme arrêté à Glasgow. Selon la police écossaise, Ligonnès serait méconnaissable, répétons à l'antenne. Alors, on suppute en plateau. Il a pu faire de la chirurgie esthétique. Ligonnès déformé par le bistouri, voilà qui offre un boulevard à l'imagination. Sur Twitter, où le mot-clé hashtag XDDL est rapidement le plus utilisé du réseau, les internautes piaffent d'impatience. Nombreux sont ceux à le déclarer, main sur le cœur, ils n'iront pas se coucher avant de l'avoir vu, ce fameux nouveau visage qu'arbore désormais l'aristocrate de Nantes. Mais rares sont ceux qui se doutent en vérité que la mariée était trop belle. défilé de haute couture, salon de l'agriculture. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la vraie arrestation du faux Dupont de Ligonnès. Affaires Sensibles sur France Inter. Minuit, la nuit noire enveloppe Limay, commune de 17 000 habitants, nichée sur la rive droite de la Seine, à 60 km de Paris. Les experts de la police technique et scientifique, filmés de loin par les caméras télé dans leur combinaison blanche, viennent de plier bagages. Quelques reporters de terrain traînent autour de la maison où Xavier Dupont de Ligonnès aurait, dit-on, pu trouver refuge. Et donc, ils interrogent les voisins. Connaissent-ils l'homme qui occupait ce pavillon au volet blanc? Ont-ils croisé Ligonnès? Deux journalistes, Gaël Joly de France Info et Jean-Gabriel Bourgeois d'Europe 1, s'enfoncent dans une impasse. Dans l'encadrement d'une fenêtre éclairée, ils aperçoivent un homme les yeux rivés sur son téléviseur branché sur BFM. Les reporters lui font signe. L'individu, prénommé Jacques, leur ouvre. Dans son regard se lit de la colère. « Vous êtes journaliste ? » s'enquiert-il sèchement. « Eh bien, j'ai un scoop pour vous. Je connais l'homme dont on a parlé à la télé. Son épouse écossaise, Mary, vient de me téléphoner, stupéfaite, affolée, pour m'avertir de son arrestation. » Et je peux vous dire qu'il n'a rien à voir avec Dupont de Ligonnès. Au micro de TF1, les deux reporters se souviennent de cette conversation. On nous dit, tout ce qu'il raconte, ce sont des monumentales conneries. C'est pas possible, ça fait 30 ans que je le connais, c'est mon voisin, quand j'ai emménagé ici, il habitait déjà là. Il nous montre les photos de son meilleur ami, qui est Guy Joao, qui connaît depuis 30 ans. C'est un gros bonhomme comme ça, avec les cheveux un peu gris. C'est pas du tout Xavier Dupont de Ligonnès sur la photo, le visage est un petit peu rond. Il y en a un qui est beaucoup plus grand que l'autre, des épaules massives. Et pour avoir fait de la chirurgie esthétique, je me dis, il aurait fallu... je sais pas, le gonfler. Et quand on ressort de chez lui, on est complètement abasourdi aussi. On est, mais c'est pas possible, on a vu les photos, les détails, les dates ne collent pas. On sort, on fume. Moi, j'ai pas fumé depuis des années. Et je fume une cigarette et on se parle, en fait. Et on se dit, c'est pas lui. Et effectivement, l'homme écroué à Glasgow n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Les deux journalistes en sont désormais convaincus. Et ils ont le sentiment de tenir là un témoignage discordant qui peut faire basculer l'actualité. Au volant de leur voiture, ils se précipitent vers leur rédaction pour faire entendre plus vite le témoignage de Jacques. Mais il est déjà trop tard pour renverser la machine médiatique. La nouvelle de l'arrestation de Dupont de Ligonnès s'apprête à déferler dans les kiosques et les boîtes aux lettres du pays. Au matin du samedi 12 octobre 2019, la presse régionale et en partie nationale affiche en une, quasi unanime, autour d'un vieux portrait de Ligonnès. Le portrait et les titres sont sans nuance et sans appel. L'incroyable fin de cavale, peut-on lire en couverture du Maine Libre. Xavier Dupont de Ligonnès arrêté, clame le Dauphiné libéré. Et le Parisien, qui trône en tête de gondole, se félicite, je cite, de la fin de l'un des plus grands mystères de l'histoire criminelle. Aucun de ces journaux, ou presque, n'accompagne cette annonce d'un point d'interrogation. Et il est vrai aussi qu'au moment du bouclage, la veille au soir, l'info ne laissait guère de place au doute. Seulement, le vent a tourné. Et dans les rédactions, l'exaltation du 11 octobre est en train de retomber. Si la nouvelle de l'arrestation de Dupont de Ligonnès continue d'occuper massivement les ondes, la télé, le web et les journalistes le sentent, l'info qu'ils annoncent, qu'ils s'apprêtent à annoncer, s'apprêtent à faire pchit. Pourtant, toute la nuit, le procureur de Nantes, Pierre Sénès, a multiplié les appels à la prudence. Attendons les résultats du test ADN pour procéder à l'identification certaine de l'homme interpellé, a insisté-t-il. Car les empreintes digitales recueillies à Glasgow ne sont finalement que très partiellement celles de Ligonnès. 5 points de convergence seulement ont été observés, alors qu'il est d'usage d'en relever au moins 12 pour attester le rapprochement entre deux profils. Quant à l'entourage de l'homme résidant à Limay, il n'en finit pas de se manifester. Les voisins de Guy Joao ont appris, éberlués, le placement en garde à vue de ce dernier et tous crient à l'erreur sur la personne devant les micros et les caméras. Unanimement, il dessine le portrait d'un retraité du secteur de l'automobile, plus âgé que Ligonnès, de 10 ans, se rendant fréquemment dans une petite ville balnéaire près de Glasgow, où sa femme réside, mais implantée depuis une éternité à Limay. Bref, un homme qui ne peut être en aucun cas l'auteur du quintuple meurtre de 2011. Quel est le lien entre vous et Guy alors ? C'est un ami depuis plus de 45 ans. Je connaissais sa mère, on travaillait tous les deux chez Renault à Flins. On était collègues, elle était chef d'équipe, moi aussi. Mais vous en pensez quoi, toute cette histoire J'en pensais à l'histoire du monsieur qui a tué la famille. Moi, j'ai oublié ça, mais bon, hier soir, ça m'est revenu. Ça n'a rien à voir. Hein. Il n'est jamais quitté. Il est né à Limay, lui. Il est né à Limay. C'est quelqu'un qu'on a vu très régulièrement. Et puis en plus, ma maison, on voit son jardin directement. Il était souvent là avec des amis. Enfin, physiquement, on voit très bien que c'est pas lui. Avant, on était toujours ensemble. On mangeait ensemble, au midi, au soir. Il venait à notre maison, il passait autant avec nous. Hein. Ça fait combien de temps, alors, en fait, vous le connaissez ? 22 ans. À 12h50, ce micro-trottoir est corroboré par la science. Les prélèvements génétiques effectués sur l'homme arrêté à Glasgow livrent enfin leurs conclusions. La reine des preuves, l'ADN a tranché. L'homme interpellé à Glasgow n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès, annonce l'AFP. Sur les réseaux sociaux, on s'étrangle sous le coup de la déception. Mais très vite, on s'esclave. Car des internautes ont mis la main sur le compte Facebook de Guy Joao et colportent allègrement sur la toile des photos du retraité. Les images ne trompent pas. Cet homme au front dégarni, aux joues rebondies et à la mine souriante, ne peut être confondu en aucun cas avec Xavier Dupont de Ligonnès. Mais lui ressemble autant que moi à Jacky Sardou, s'amuse un internaute. L'affaire tourne à la farce, mais pour les médias, c'est la consternation. Le discrédit est immense. Et vient l'heure du rétropédalage, du mea culpa et des justifications. En particulier pour Le Parisien et l'AFP qui ont été les premiers à dégainer. Leur défense est simple, oui, ils ont diffusé une information erronée, mais c'est parce qu'elle a été largement accréditée, certifiée par différents effectifs de la direction centrale de la police judiciaire française. Dans l'après-midi du 12 octobre, Le Parisien revient dans ses colonnes sur l'enchaînement des éléments qui ont mené à la publication de son premier article. Nous, journalistes du Parisien, sommes informés aux alentours de 20h par plusieurs sources, 5 au total, de niveaux hiérarchiques différents, dont certaines au cœur de l'enquête qui confirment toutes la validation de l'identité de Xavier Dupont de Ligonnès par la comparaison d'empreintes digitales effectuées par la police écossaise. Ces confirmations nous seront répétées plus tard dans la soirée. De son côté, l'AFP revendique 4 sources policières tout aussi formelles. Mais comment expliquer l'inexactitude des informations transmises par la police française ? La faute aux enquêteurs de Glasgow, affirment les autorités, qui déclarent par voie de presse, je cite, « Les Écossais nous ont dit et répété, c'est votre homme ». La comparaison d'empreintes correspond, et ce, sans l'emploi du conditionnel. Interrogées à leur tour, les forces de l'ordre écossaises, via un porte-parole, se défendent d'avoir été aussi catégoriques. Il est vrai que, dans un communiqué publié vers 23h au cours de l'explosive soirée du 11 octobre, elles ont fait plutôt preuve de prudence, refusant à valider la présence de Xavier Dupont de Ligonnès dans leurs locaux et indiquant que des investigations se poursuivaient pour confirmer l'identité de l'homme arrêté. Mais une fois de plus, le mal était fait. Alors, y a-t-il eu incompréhension entre les deux polices ? Les enquêteurs de Glasgow ont-ils fait évoluer leur version au cours de la soirée ? On peut supposer que ces derniers n'ont pas eu conscience du caractère hautement inflammable de l'affaire Ligonnès en France et qu'ils ont été surpris que leurs premiers résultats d'analyse échangés avec leurs homologues français déclenchent un torrent médiatique d'une telle rapidité et surtout d'une telle envergure. Si les Écossais ont été l'allumette, la police française a bel et bien été la flamme. En contactant la presse trop hâtivement, elle a commis une faute. On le sait, certains fonctionnaires n'hésitent pas à jouer les indicateurs auprès de certains journalistes pour les tenir au courant de l'évolution d'une enquête. La pratique est courante, comme l'explique le professeur en sciences de l'information et de la communication Arnaud Mercier dans la fabrique médiatique sur France Culture. Il y a des habitudes de collaboration entre la police et les journalistes pour tout ce qui est fait divers, police-justice, comme on dit. Avec d'ailleurs des situations parfois assez ambiguës où finalement vous avez des journalistes qui finissent par être plus ou moins les porte-parole officieux d'enquêteurs, etc. Enfin, ça devient un peu trouble, je trouve. Et là, en l'occurrence, personne n'imagine, mais absolument personne, que vendredi, tout d'un coup, il y a un journaliste qui téléphone à la police, dit « Tiens, au fait, les gars, ça fait plus de 8 ans qu'il est en cavale, vous auriez pas des infos ?» Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, évidemment que ce sont des policiers qui se sont empressés de téléphoner à des journalistes, parce que des relations professionnelles, voire amicales, voire machin. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée qu'il y a une espèce de relation un peu fusionnelle, j'allais dire, entre la source policière et les journalistes. Mais dans ce cas précis, fusion rime avec précipitation. Des membres de la direction centrale de la police judiciaire française ont contacté la presse avant d'avoir sous les yeux les empreintes digitales de l'homme interpellé à Glasgow et, bien sûr, avant que n'arrivent les résultats du test ADN, preuve irréfutable pour identifier un suspect. Mais l'excitation, l'exaltation d'avoir enfin mis la main sur Xavier Dupont de Ligonnès a pris le pas sur les précautions les plus élémentaires. Sous couvert d'anonymat, un policier français proche de l'enquête le déplore dans les pages du magazine Society. C'est toujours pareil. Il y a des policiers un peu loin du dossier. Ils veulent bomber le torse ou être dans le vent de l'histoire. Ils appellent leurs contacts, ils parlent trop vite et voilà. Eh oui, ils ont parlé trop vite, ces policiers dont le nom n'a jamais été dévoilé en vertu du secret des sources, qui est l'une des règles de base du journalisme. Alors, le système médiatique a fait le reste. Course au scoop, confiance aveugle dans les dépêches de l'AFP, précipitation des médias par peur de passer à côté d'une info, règne de l'édition spéciale, traitement à chaud de l'actualité, adaptation au rythme instantané des réseaux sociaux, on connaît la mécanique, celle de l'emballement médiatique. Et là, il a été total. Pendant 16 heures, les médias n'ont parlé que de l'arrestation de Dupont de Ligonnès, prenant souvent leurs rêves pour des réalités. Plus diminuait objectivement la probabilité qu'il s'agisse bien de lui, plus les gens faisaient comme si la confirmation de l'arrestation était imminente, écrivent Emmanuel et Mathias Roux dans le livre « Le goût du crime, enquête sur le pouvoir d'attraction des affaires criminelles », ouvrage paru en 2023. Tout le monde a sans doute voulu croire au retour du grand disparu. Et seules les enquêtes de terrain ont fait émerger l'idée que derrière cette chimère se cache un homme banal, un retraité tranquille. Cet homme, Guy Joao, a longtemps fui les regards. Libéré par la police écossaise, au terme de 26 heures de garde à vue tout de même, il a d'abord refusé de s'exprimer, jusqu'à se laisser convaincre, en janvier 2020, de revenir sur le cauchemar qu'il a vécu. Devant les caméras de M6, il apparaît amaigri, conséquence, dit-il, de la spirale infernale dans laquelle il a été happé. Il raconte l'arrestation agressive par les gardes-frontières de Glasgow, son incompréhension face aux questions qui lui sont répétées en boucle par les enquêteurs, sa demande de parler à sa femme qui lui a refusé, la nuit passée en cellule de haute sécurité dans des conditions spartiates. Vous dormez sur du béton. Et pour manger, ben vous mangez comme un chien au sol. Dans la cellule à côté de moi, il y avait une femme, elle hurlait toute la nuit. Donc je reste calme. C'est dur. Depuis ces événements, Guy Joao s'est dit victime d'insomnie. Pendant des jours, des journalistes ont encerclé la maison écossaise où il réside la moitié d'année avec son épouse, Mary, pour tenter d'obtenir de lui quelques mots, quelques images. Ce sont aussi des questions lancinantes qui l'obsèdent, dont la principale, mais enfin qui l'a balancé, calomnié, qui a signalé que Xavier Dupont de Ligonnès allait quitter le territoire français sur un vol Paris-Glasgow, muni d'un passeport au nom de Guy Joao. Cette dénonciation anonyme aux airs de mauvaise blague, mais prise très au sérieux par les forces de l'ordre, Guy Joao et sa femme ne se l'expliquent pas. Est-ce qu'aujourd'hui vous savez qui a lancé cette dénonciation ? Absolument pas. On n'a pas la moindre idée, on n'a pas de. Pas idée. On n'a pas d'ennemis, on n'est pas. On est de retraité tranquille. Et les autorités non plus ne lui apportent guère d'explications. Concédant seulement que cette dénonciation a probablement transité via Crime Stoppers, une plateforme en ligne permettant aux citoyens de communiquer des infos sur un crime de manière confidentielle. Crime Stoppers n'a ni confirmé ni infirmé cette assertion. Pour Guy Joao, cette absence d'éclaircissement est une souffrance, tout comme l'absence d'excuses émanant de la police écossaise et française. À la fin de l'année 2020, cet homme, pourtant peu procédurier, finit par déposer plainte contre les policiers écossais pour obtenir réparation du préjudice subi. Mais sa mort, le 31 mai 2021, d'un cancer foudroyant, vient interrompre ce combat. Guy Joao n'est plus, mais Ligonnès, s'il est vivant, court toujours. Au cours de ces dernières années, les séries, les succès d'édition consacrés à l'affaire se sont multipliés et ont drainé de nouveaux adeptes. Nombreux sont ceux qui attendent de savoir ce qui a pu advenir du disparu le plus célèbre de l'Hexagone. Une passion française, une obsession même. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la vraie arrestation du faux Xavier Dupont de Ligonnès, dont nous parlons avec notre invité François Vignol. Bonjour. Bonjour. Coordinateur enquête police-justice du groupe M6, vous êtes avant tout journaliste. Vous avez rencontré à plusieurs reprises Guy Joao, l'homme qui était confondu avec Ligonnès, on en parlera, mais vous avez eu également sa femme au téléphone, je crois, hier. Oui, c'était pour la préparation de l'émission, hier soir, et puis je lui ai demandé d'abord comment allez-vous, hein, parce que ça faisait quelques mois que je l'avais pas eu au téléphone. C'est difficile pour elle, hein. Mmh. Elle est encore dans ce souvenir, pour ne pas dire ce cauchemar de ce qui s'est passé. Elle a perdu... l'homme qu'elle aimait, elle a dû vendre la maison à Limay, et puis elle vit vaille que vaille avec ses petits-enfants, et puis elle essaye de s'éloigner de cette histoire. À qui elle en veut ? Aux journalistes ou aux policiers écossais comme français ou aux deux ? Hier, la première chose qu'elle m'a dite, c'est « Vous savez François, il y a quelque chose que je comprends pas, c'est que j'ai toujours pas reçu d'excuses de la justice et de la police française. Il y a eu ce tsunami qui est tombé sur nous. » Et puis finalement, on a mis tout ça sous le tapis. Alors, si on est tout à fait honnête, elle m'a expliqué qu'elle avait reçu des excuses de la police écossaise, hein, qui lui a envoyé une lettre, d'ailleurs, qu'elle a gardée, qu'elle a mis dans son armoire religieusement. Et puis aujourd'hui, eh bien, elle va arrêter toute poursuite parce qu'elle veut passer à autre chose. Ça a bien trop duré pour elle. Et Monsieur Joao, vous l'avez rencontré aussi. Parlez-nous de lui. Comment, alors bien sûr, il a évidemment mal pris l'affaire, c'est traumatisant pour lui, mais comment il exprimait ça ? Est-ce qu'il y avait beaucoup de colère, ou au contraire, un tas de sidération, quoi. Ça lui arrive comme ça, vous rendez compte quand même ? Vous rendez compte, évidemment, ça lui tombe sur la tête comme ça d'un seul coup. La première rencontre, elle est assez étonnante, parce que j'avais eu cette information, vous l'évoquez tout à l'heure, de ce site de citoyens anglo-saxons, qui vont alimenter la police par des informations anonymes. Déjà, l'idée est folle, enfin, elle est très dangereuse, quoi. C'est pas très très français, hein, ce type d'enquête. D'ailleurs, une information qui était jugée très fiable par les enquêteurs, on en reviendra tout à l'heure, écossais. Et donc j'étais allé le voir, le métier de journalisme parfois s'apparente à un métier de démarcheur, on frappe aux portes, on se prend souvent les portes dans la figure. Au bout de la sixième fois, bien j'ai vu ce monsieur d'une carrure assez importante qui a entrouvert la porte en me disant « Écoutez, pourquoi vous venez encore ? Je vous ai fait dire par mes voisins que je voulais plus vous voir. » Je lui dis « Monsieur Joao, je voulais juste vous parler de cette histoire de délation. » Il dit, écoutez, attendez deux secondes. Je l'ai vu marcher vers la maison, entrer dans la cuisine et ressortir en me disant, ma femme veut bien entrer. Et puis là, on a commencé à discuter. On a discuté. Alors, je lui dis, mais il y a bien quelqu'un qui vous a balancé. Il me dit, non, mais vraiment, je vois vraiment pas qui. On avait ce couple de peu, hein, ce seraient vos voisins retraités avec qui vous partagez l'apéritif d'une gentillesse extrême. Et puis je voyais qu'il y avait quelque chose qui le taraudait. Au bout d'un moment, il me dit « Monsieur Vignol, vous pouvez pas me faire quelque chose ?» Ben, je dis « Écoutez, dites toujours, on ne sait rien. Vous voyez ma porte ?» Ben, je dis « Oui, je la vois bien. Elle a été fracturée lors de la garde à vue et on ne l'a toujours pas remboursée. » Là, je suis tombé les nues. Je me suis dit « Ces personnes sont victimes d'une énorme méprise et la chose qu'ils me demandent, et je le comprends parce qu'ils vivaient tous les jours avec cette porte qui était fracturée, c'est qu'elle soit remboursée. » Et donc, notre premier contact, aussi anecdotique que cela, est survenu comme ça. J'ai appelé la chancellerie en disant « Mais ce monsieur-là réclame un remboursement. » Et puis, il s'est fait rembourser sa porte. Et puis ensuite, on s'est vu à de nombreuses reprises. Et on a pu parler de la suite du cauchemar qu'il avait vécu. Alors lui, il en veut à qui ? Enfin, il en voulait à qui ? Alors, il en veut à la police française d'être allé aussi vite. Il en veut, et on va quand même balayer un peu devant notre porte, aux médias. Et ça, on va en parler après. Ouais. C'est un chapitre important, évidemment. Il ne comprend pas. Il y a quelque chose, Fabrice, qu'il faut que vous ayez en tête. Mmh. C'est que Guy Joao est le seul Français qui ne connaissait pas Xavier Dupont de Ligonnès. À un moment, il me dit... Il vit sur une île déserte, quoi. Je lui ai dit, mais vous étiez sur Mars à l'époque. Il disait, écoutez, non, je regardais pas la télé. Je faisais un petit spa chez moi dehors, donc je bricolais toute la journée. Je ne connaissais pas ce monsieur. En plus. Donc, vous comprenez que quand il est interpellé, qu'il passe 26 heures dans un haut quartier de sécurité et qu'on ne cesse de lui répéter « Quel est votre nom, monsieur ? Quel est votre nom ?» et qu'on dit à sa femme « Vous vivez avec l'un des plus grands tueurs recherchés en ce moment », eh ben, il en veut d'avoir été broyé et que son nom ait été donné en pâture à la fois par les autorités écossaises et françaises. Alors, comment expliquez-vous, vous qui connaissez bien l'affaire, qui ait pu avoir une telle double erreur de la part des policiers écossais d'abord et français ensuite? Les médias, on en parle après. Parce que si de mauvaises circulations, de mauvaises informations ne sont pas mises en circulation, les médias n'y vont pas. Hein, vers quand même la source. Même si on va être critique envers les médias, la source c'est quand même l'incroyable erreur, soit des Écossais, soit des Français, soit des deux. Alors il y a une petite règle, on va remonter à nos années d'école de journalisme, c'est celle de recouper les sources. Hein. Alors on nous apprend souvent qu'il faut 2-3 sources, et plutôt qu'elles ne se contaminent pas, qu'elles ne soient pas au même endroit. Le problème majeur dans cette affaire, c'est que le robinet qui alimentait toutes ces sources, il était frelaté. Il venait, ce robinet, d'Écosse. Il venait du commissariat de Glasgow. Et que la première information qui était « Eh bien, nous avons les empreintes digitales de l'homme que vous recherchez », c'était juste faux. Et là, vous avez un écoulement à la fois au ministère de l'Intérieur, à la fois à la police judiciaire, à la fois dans tous ces services enquêteurs, même chez le procureur, et vous auriez pu avoir 10, 15, 1000 sources françaises, eh bien, elles étaient toujours alimentées par ce robinet qui était frelaté. Donc le problème de base, il est là, chez les Écossais. Les policiers écossais ont voulu se faire mousser auprès de leurs confrères français, c'est ça ? Je pense que vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Ils n'ont pas la conscience que cette affaire qu'ils doivent vérifier est une affaire d'une importance extrême en France. Et donc, de manière un peu légère, sur une empreinte digitale qui est partielle, hein, attention, hein, eh bien, ils vont dire, écoutez, oui, pour nous, c'est bon, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des points de convergence, on va pas être trop technique, hein, sur une empreinte, il en faut 12 sur 13 en France, c'est le protocole, on n'en a que 5. Et là où ils vont tarder à envoyer cette empreinte, et là où ils vont tarder aussi à vouloir faire ces analyses ADN, ils vont pas le faire, et donc la mécanique du chaos s'enclenche, le train fou de l'info eh bien, va partir vers le précipice. Ah, c'est vraiment une mécanique. François Vignol, on va s'intéresser maintenant au deuxième étage d'une fusée qui s'est trompée de direction. Ce deuxième étage, craché, oui. Voilà, même se cracher. Ce deuxième étage, c'est donc la presse. Alors, on était très critique, on va continuer de l'être, hein, on l'a été dans le récit, mais sans vouloir gonfler les rangs des donneurs de leçons et des docteurs de la foi journalistique, c'est insupportable. Mais enfin, si on est critique, c'est d'abord parce qu'on est journaliste et qu'on se dit que c'est peut-être le chemin à trouver pour s'améliorer, hein, parce qu'on aura d'autres faits divers comme ça. Donc c'est, de ce point de vue, c'est intéressant. Le professeur en sciences de l'information et de la communication Arnaud Mercier, dont nous avons entendu la voix au cours de ce récit, qualifie les habitudes de collaboration entre les journalistes police-justice et leurs sources policières de fusionnelles. Sont-elles trop fusionnelles? Est-ce que ça peut être aussi une explication? J'aurais une réponse un peu plus mitigée. Alors, d'abord, qu'on soit journaliste politique, journaliste sportif ou fait diversier, on a des contacts, hein, donc avec un homme politique, avec un agent ou un joueur de foot, ou avec des policiers. Tout est question de distance, j'allais vous répondre. Si vous êtes trop près de votre interlocuteur, vous n'aurez d'abord pas d'infos, parce qu'à un moment, il va vous dire écoutez, ne donnez pas l'info, c'est gênant, et vous allez vous taire. Oui. Si vous êtes trop loin de cette personne, vous n'aurez jamais cette info, parce que vous n'avez pas ce rapport de confiance. C'est pas forcément un rapport de connivence, mais c'est un rapport de confiance. On se connaît, on ne fait pas le même métier. Attention à ce syndrome d'appartenir au milieu de l'interlocuteur qui est en face de nous. Non, je ne suis pas un policier, le journaliste politique n'est pas un ministre. Donc, une fois que cette règle est bien établie, qu'on ne fait pas le même métier, moi, mon boulot, c'est de sortir des infos sans porter préjudice à l'enquête. Il y a des garde-fous, parfois, où la personne va nous dire « Vous pouvez pas sortir ça, on a des interpellations à faire. » Ou « C'est très dangereux, attendez. » Après, on discute. Et si ces règles-là sont établies, eh bien, on a un modus vivendi, j'allais dire, qui est sain. Est-ce que, parfois, il y a une proximité entre certains journalistes et leurs interlocuteurs? Oui, certainement. Est-ce que ça peut amener à des débords, à des dysfonctionnements? Oui, certainement. Et vous, qu'avez-vous fait quand vous avez appris ce soir-là que Xavier Dupont de Ligonnès était arrêté? Bon, c'est pas le vrai, mais on l'a appris comme ça. Bah d'abord, j'ai dit à ma femme et à ma famille qu'il n'y aurait pas de week-end, que j'aurais un très gros week-end de travail. Et puis, ça a été un travail de vérification. J'ai suivi à peu près le même cheminement que vous avez raconté tout à l'heure par rapport à d'autres journalistes. C'est-à-dire les 4-5 sources, on ne va pas les citer, mais vous les avez un peu devinées, hein, qui travaillent dans la police pour avoir cette confirmation. Si on reprend dans le détail très chronologiquement les faits, il se trouve que vers 22h, la perquisition a commencé. On commence à avoir des retours. Moi, j'ai des contacts de personnes qui me disent « François, ça sent pas très très bon quand même. Le gars là dont on parle, le fameux Xavier Dupont de Ligonnès, il est quand même installé là depuis une trentaine d'années. Ça tient pas. » Ils ont eu un retour aussi de photographie à Roissy. Rappelez-vous, il va prendre cet avion pour aller à Glasgow. Je vous parle de Guy Joao. Et ça colle pas, ça matche pas les deux photos. Mais non, mais rien que ça, déjà, ça aurait dû mettre bien plus la puce à l'oreille. Alors, moi, je n'étais pas en édition spéciale, on avait le temps de la nuit, mais c'est vrai que pour les journaux dont les rotatives sont partis, bien sûr, le fameux point d'interrogation, la fameuse source selon les autorités écossaises, eh bien, elle a sauté, et puis là, on est parti dans le fossé. Alors, il y a aussi un autre phénomène, mais qui n'est pas spécifique à cette affaire-là, c'est les réseaux sociaux. Évidemment, qui vont aller dans une direction erronée, et bien sûr, ça va faire plus qu'effet de loupe, hein, ça va faire boule de neige. Comment gérer ça? Parce que ça existait avant Ligonnès, un peu avant Ligonnès, ça existera encore. Ouais, là vous venez sur une question beaucoup plus générale. Oui. Comment on cohabite avec ces réseaux sociaux? On est un peu dans une schizophrénie qui est d'aller beaucoup plus vite. Moi, quand j'ai bossé il y a 20-25 ans sur des faits divers, eh bien, on partait en province, on écrivait sur son vieil ordinateur son sujet qui passait le lendemain, et puis les radios reprenaient, et puis ainsi allait la vie. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Ouais. C'est-à-dire que la périodicité, elle a explosé avec les réseaux sociaux, et quand je parle de schizophrénie, c'est cette exigence qu'on nous demande, le fait d'avoir une info juste et réel, mais aussi d'être rapide parce que le train est passé et que d'autres ont pu vérifier l'information. Est-ce que vous avez le sentiment, je parlais tout à l'heure de passion française autour de Ligonnès, presque une obsession, est-ce que ça a dépassé en intérêt ce qui a été considéré très longtemps comme le fait divers le plus saisissant de l'après-guerre en France, l'affaire Grégory, parce que il y a le meurtre d'un enfant, donc c'est une transgression ultime, parce qu'il y a encore un mystère, hein, finalement. J'ai l'impression que Ligonnès surpasse encore ça, ou arrive au même niveau. Et pourquoi ? L'analogie est plutôt bonne. Je pense que l'affaire de Ligonnès est la mère des faits divers. Le fait divers des faits divers. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'on a une famille assez lambda qu'on pourrait croiser sur le chemin de la messe. Un père qui a un gendre idéal et qui a peut-être ce visage de la barbarie, va-t-on apprendre plus tard. Un crime abominable. Hein. Il s'agit d'une famille de 5 personnes qui ont été inhumées sous une terrasse. Et vous l'avez dit, ce fameux mystère. Ah oui. Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il n'est pas mort ? On a, et c'est assez malsain, 60 millions de pronostiqueurs qui ont chacun leur avis. Et là, on dépasse, comme l'affaire Grégory, le cadre factuel d'une affaire avec une boîte à fantasmes qu'on va ouvrir, avec des spéculations, avec eh bien la littérature, vous en parliez tout à l'heure, même les films, eh bien qui vont s'imprégner de cette histoire et qui vont la restituer à leur manière. Et parmi ceux-là ou celles-là, il y a jusqu'à la sœur de Ligonnès, dans le livre qu'elle vient de faire paraître, elle affirme que la famille n'est pas morte. On a quand même retrouvé des cadavres, tout de même, 5 qui ont été identifiés. Et elle le dit, donc, quand des gens aussi proches, la sœur, participent au fantasme, ça devient gênant quand même, non ? Enfin, elle dit ce qu'elle veut en même temps. Mais... Oui, parce que c'est une version qui est totalement aux antipodes de la version officielle et de la version juste, hein, parce que je rappellerai que ces corps qui ont été exhumés, il y a eu des analyses d'ADN, qu'il s'agit bien de la famille. Est-ce qu'elle est aveuglée, eh bien, par le fait que c'était son frère, par la proximité, et que on soit arrivé sur cette version qui, pour ma part, me paraît totalement farfelue. Ça n'appartient qu'à elle. Un autre élément, peut-être, Xavier Dupont de Ligonnès ne ressemble pas au protagoniste de l'affaire Grégory. Pas du tout. Lui, il est urbain, il est, les autres étaient vraiment, c'est une chronique rurale, également. C'est intéressant aussi, c'est le personnage en soi, hein. Vous avez une bonne expression tout à l'heure. Vous avez dit, je crois, un aristocrate déclassé. Mmh. Et toute la tragédie de cet homme, je crois qu'elle se situe là. C'est-à-dire que il avait beaucoup de vœux d'espoir pour lui-même. Il avait ses rêves d'Amérique, ses rêves d'argent. Et il n'aura cessé, finalement, d'être aux abois financièrement, d'avoir un couple qui commençait, eh bien, à s'ébranler. Et c'est ma version, en tout cas. Je pense qu'il est parti dans cette fuite en avant parce que, eh bien, il avait un échec qui se dessinait devant lui. La fuite en avant, c'est vraiment le cas de dire. Merci infiniment, François Vignol, pour Merci toutes beaucoup. Les précisions que vous avez apportées qui sont précieuses. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la vraie arrestation du faux Xavier Dupont de Ligonnès. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, aujourd'hui, il y avait Florian Dorimini. Naïf. Moi, mon kiff quand je suis à la station essence, c'est de tomber sur un chiffre rond à la pompe. Et je sais que je suis pas le seul à le faire. Hein. Il y a sans doute une fédé quelque part, parce que c'est hyper technique. Sauf que l'autre jour, j'ai mis du gasoil à la place de l'essence. Ça, c'était pas un kiff. On compatit. Ça arrive même au meilleur de la discipline. Pas de panique. À la Maïf, on vous dépanne même si vous êtes à l'origine de la panne. L'assurance auto du numéro 1 de la relation client. Maïf, assureur militant. Dans les conditions et limites du contrat. Lauréat assurance de 2004 à 2024, enquête annuelle Bearing Point Kantar, réalisée auprès de 4000 personnes.